Chapitre 7e. Et voilà ce qui en restait, une période chaude et vivante qui tranchait sur toute son existence et d'où irradiaient mille souvenirs. Chez Madame Wickett, lorsque la cloche de l'école sonnait l'appel, le crépuscule les lui rappelait en masse. C'était Catherine filant dans les couloirs d'allée, ou bien riant à côté de lui d'une faute stupide dans une composition qu'il était en train de corriger, ou encore jouant la partie de violoncelle dans un trio de Mozart au concert de l'école. Son bras d'une blancheur de crème, se détachant sur le bras luisant de l'instrument. Et Catherine, enveloppée de fourrure, avec un manchon, pour assister au match de l'école en décembre. Catherine à la garden party, qui suivait la distribution des prix pour le concours d'éloquence. Catherine, donnant son avis sur tous les petits problèmes qui se présentaient. D'excellents avis d'ailleurs, qu'il ne suivait pas toujours, mais qu'il ne manquait pas de l'influencer. « Chips, mon chéri, à votre place, je leur pardonnerai. Après tout, ce n'est pas bien grave. Je le sais, et j'aimerais bien passer l'éponge, mais j'ai peur, si je le fais, qu'ils ne recommencent. Essayez de le leur dire franchement, et laissez-leur une chance. Peut-être bien. » Il y avait quelquefois d'autres incidents plus graves. Vous savez, Chips, tenir ces centaines de garçons emprisonnés ici, c'est vraiment une chose contre nature, quand on se met à y penser. Aussi, lorsqu'il arrive quelque chose d'anormal, ne trouvez-vous pas que c'est un peu injuste de tomber sur eux, comme si c'était par leur faute qu'ils sont ici? Je n'en sais trop rien, Cathy, mais ce que je sais bien, c'est que dans l'intérêt général, il faut nous montrer assez rigoureux sur les questions de ce genre. Une brebis galeuse peut en contaminer d'autres. Après avoir elle-même été contaminée pour commencer, somme toute, c'est probablement ainsi que cela s'est passé, n'est-ce pas? Possible, nous n'y pouvons rien. Je crois en tout cas que Brookfield vaut mieux que bien d'autres écoles, raison de plus pour la conserver telle. Mais cet élève, Chips, vous allez le renvoyer. La direction le fera probablement quand j'aurai remis mon rapport. Et vous allez le remettre. C'est mon devoir, malheureusement. Ne pourriez-vous y réfléchir un peu? Parler encore à ce garçon. Découvrir comment la chose a commencé. En somme, à part cette faute, est-ce que ce n'est pas un assez gentil garçon? Oh, il n'y a rien à lui reprocher. Alors, Chips, mon chéri, ne pensez-vous pas qu'il devrait y avoir un autre moyen? Et ainsi de suite. Une fois sur 10 à peu près, il était inflexible et refusait de se laisser convaincre. Dans la moitié environ de ces cas exceptionnels, il regrettait plutôt dans la suite de n'avoir pas écouté ses conseils. Pourtant, elle n'avait pas toujours plaidé l'indulgence. En d'assez rares occasions, elle poussait à la sévérité, alors que Chips s'inclinait au pardon. « Je n'aime pas ce genre de garçon, Chips. » Il est trop sûr de lui. S'il a voulu s'attirer des ennuis, je ne les lui éviterai sûrement pas. Quelle masse de petits incidents, tous profondément enfouis dans le passé, questions qui avaient jadis été urgentes, discussions qui avaient été vives, anecdotes qui n'étaient drôles que parce qu'on s'en rappelait le côté plaisant. Aucune émotion avait-elle une réelle importance quand sa dernière trace s'était effacée de la mémoire des hommes? Et puisqu'il en était ainsi, quelle multitude d'épisodes se rattachent à lui comme à leur dernier refuge avant d'être anéantis. Il fallait être bon pour eux, les conserver dans son esprit comme un trésor, avant leur long sommeil. Il avait soudain la vision de milliers d'élèves depuis le règne d'Élisabeth, de dynasties de maîtres se succédant les unes aux autres, de longues périodes de l'histoire de Brookfield, qui n'avait même pas laissé l'ombre d'un souvenir. Que s'était-il passé à Brookfield lorsque Cromwell avait livré bataille dans les environs à Naseby? Comment Brookfield avait-il réagi à la grande épouvante des 45? Y avait-il eu un jour de congé complet quand était arrivée la nouvelle de Waterloo? Et ainsi de suite, jusqu'aux temps les plus récents dont il pouvait se souvenir personnellement. 1870 et Watterby, 10 ans, en manière de conversation, après leur première et unique entrevue. « Il me semble que nous aurons nous aussi à régler nos comptes un de ces jours avec les Prussiens, n'est-il pas vrai ?» Lorsque Chip se remémorait des choses de ce genre, il avait souvent des velléités de les écrire et d'en faire un livre, et au cours des années passées chez Madame Wickett, il alla souvent jusqu'à rédiger dans un cahier d'écolier quelques fragments décousus. Mais il se heurta bientôt à des difficultés, dont la principale était que cela le fatiguait d'écrire, aussi bien intellectuellement que physiquement. D'ailleurs, sans qu'il sût bien pourquoi, ses souvenirs, une fois sur le papier, perdaient beaucoup de leur saveur. Il restait là, à rêvasser encore devant le feu, à songer des époques et des incidents auxquels il était le seul à pouvoir s'intéresser en secret. Drôle et triste, comique et tragique, ils se mélangeaient tous dans son esprit, et un jour, si pénible que cela dût être, il les classerait et en ferait un livre.